de Géodame, Attendre en 2020. Œuvre publiée sous licence Creative Commons, BY, NC, ND, 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Jehan. Attendre en 2020. Suite. 18e jour. Mercredi 1er avril 2020. 1er avril. Quelqu'un aura-t-il le courage ou le mauvais goût de lancer une blague ? J'ai le sentiment qu'on en subit une, très mauvaise, depuis le début du mois de mars, avec des prémices qu'on n'a pas voulu entendre. Jamais 203, ma mère m'a informé du décès d'un de leurs amis dans son club. C'est le troisième depuis le début de l'année. Ce club propose, sous l'égide de la Fédération française de cardiologie, des activités adaptées à des personnes atteintes de pathologies cardiaques et respiratoires, parfois lourdes, ou après des opérations conséquentes. Ce sont pour la plupart des retraités. La moyenne d'âge est donc assez élevée. La Fédération avait ordonné dès le 11 mars, donc avant le confinement officiel, de suspendre toutes les activités et réunions sportives ou culturelles. Les trois défunts ne sont pas morts à cause du coronavirus, mais des suites de leurs maladies respectives. Il n'empêche que cela pèse lourdement sur le moral. Surtout que pour le dernier en date, le confinement interdit toute cérémonie, toute réunion de famille, d'amis, de relations. Je ne sais pas quelles étaient les dispositions pour les obsèques de ces trois messieurs, mais j'ai entendu aux informations le témoignage d'une dame qui ne pouvait respecter les dernières volontés de son mari, porteur d'un pacemaker qu'il aurait fallu pouvoir retirer avant la crémation. Mais, décédé du coronavirus qui empêche de le retirer, il devra être enterré au cimetière au lieu d'être incinéré. Ce satané virus pourrit jusqu'aux dernières volontés de ceux qui l'emportent. Ce n'est pas une mauvaise blague, mais une sinistre réalité. Ma banque en ligne m'informe que des fraudeurs tentent d'escroquer les gens, soit sous un prétexte quelconque en récupérant leurs données bancaires, soit en leur proposant des offres de placement à des taux très alléchants, mais évidemment totalement fictives. Tout est bon pour profiter et abuser de la crédulité et de l'inquiétude des autres. Les informations ne parlent que du Covid-19, sa propagation, ses effets sur la population avec le confinement, l'engorgement des hôpitaux, le manque de masques et de respirateurs artificiels. Bref, il tient la une des médias. Et pourtant la vie continue. Que l'on ne me fasse pas croire qu'il ne se produit plus aucun fait divers ou scandale politico-financier, que l'urgence climatique n'existe plus. Certains événements sont certainement ralentis, repoussés. Les administrations, la justice, les enquêtes criminelles sont peut-être freinées, voire paralysées, mais on ne nous en parle pas. Il y a fort à parier que lorsque l'épidémie sera sinon finie, du moins maîtrisée, il y aura de juteuses révélations. D'ailleurs, on parle de réduction sensible de la pollution dans les zones de confinement. La première signalée est en Wuhan, la ville chinoise. Cela montre à quel point l'activité humaine, industrielle, de circulation automobile en particulier, est responsable des atmosphères irrespirables et dangereuses pour la santé. C'est peut-être l'un des seuls aspects positifs de cette situation. Mais qu'en est-il des fumées qui sortent des crématoriums ? Ceux qui, à cause des très nombreux décès dus à l'épidémie foudroyante, fonctionnent à plein régime, 24 heures sur 24, où les corps sont incinérés à la chaîne, et en particulier ceux des personnes âgées qui ont eu pour la plupart des soins dentaires avec des amalgames métalliques à base d'étain et de mercure. La crémation rend volatile ce dernier métal dont on reconnaît enfin la toxicité dans les poissons en particulier. C'est une forme de pollution dont on ne parlera jamais officiellement, bien sûr. En revanche, il faut reconnaître que cette pandémie révèle aussi les bons côtés de l'humanité. La générosité, la solidarité, parfois dictée, imposée par les circonstances, mais qui donne de l'espoir en l'avenir. Des gestes, des attitudes impensables en temps normal naissent entre les gens, même si c'est à distance, et qui, je l'espère, inspireront les décideurs qui devront reprendre en main l'ordre des choses après cette alerte virale. En attendant, les tondeuses ronflent dans les jardins. La nature n'attend pas, elle. 19e jour, jeudi 2 avril 2020. Déjà jeudi, déjà le 2 avril. Le temps passe sans qu'on y prenne garde. Cérémonie mortuaire diffusée en direct à ceux qui s'inscrivent sur le lien diffusé aux amis et parents. Une nouvelle manière de gérer les obsèques pour permettre à ceux qui sont au loin ou confinés comme actuellement de s'associer à la peine de ceux qui peuvent être présents. Cette vidéo sera-t-elle proposée à la famille pour en garder le souvenir ? Je ne sais pas si ce service existait avant la pandémie, mais les pompes funèbres ont su trouver, grâce à la technologie actuelle, le moyen de pallier au confinement. J'en parlais déjà hier. Les escrocs n'ont pas mis de temps à s'adapter. Autre arnaque qui se développe. Les faux sites, ou vrais sites détournés, de vente de gel hydroalcoolique, de masques, etc. Les cibles, les hôpitaux, les EHPAD, les pharmacies, qui passent de grosses commandes, payent et ne voient rien venir. Détournement de livraison de masques en provenance de Chine. Surenchère délirante sur ces commandes. Les mauvaises actions à grande échelle se développent. Lorsque la peur s'installe, elle pousse l'égoïsme à son paroxysme. Ni foi ni loi, c'est à qui tirera le premier la couverture à lui. Les défauts de l'humanité ne sont pas en passe de disparaître, loin de là. Il faut malgré tout saluer les belles actions et les initiatives remarquables des personnes à titre individuel, à l'attention de leurs voisins, d'inconnus, simplement à titre d'humanité. Ainsi, on peut citer ces restaurateurs qui font des plats à emporter ou donnent des repas aux soignants dans les services hospitaliers. Ces particuliers qui ouvrent leurs studios aux infirmiers et infirmières pour faciliter leurs tâches en leur évitant des transports. Ou ces maraîchers, ces producteurs qui livrent leurs produits à ceux qui leur passent commande. Mon amie Ignace me raconte que dans la cour de leurs immeubles, des sportifs proposent des cours de gym aux habitants sur leurs balcons. Des animations sont lancées de bâtiment en bâtiment auxquelles les gens participent pour garder le moral. Des jeunes se chargent des courses pour les personnes âgées qui ne peuvent sortir de chez elles. Certes, il y en a toujours qui abusent, se partagent la promenade du chien d'un voisin pour avoir un prétexte à aller se promener. En revanche, des records pourraient être inscrits au livre des records. Marathon sur un balcon ou autour de son immeuble, concert ou chorale chacun chez soi, quand les musiciens ou les chanteurs partagent les mêmes partitions et que cela donne via Internet un moment de concordance précieux. Ulysse me demande quand reprendra l'école. Je suis bien en peine de lui répondre. Dans une dizaine de jours, notre région aurait dû être en vacances. Excite les projets d'aller voir ma mère, de visiter un parc animalier ou toute autre activité ludique ou culturelle. Je ne sais même pas si l'école à la télé va se poursuivre sans interruption, puisque aucune zone ne peut être en vacances. Je ne sais pas encore si le suivi par sa maîtresse via Internet fera de même. Il faut que je lui pose la question. Ce confinement a une autre conséquence, infime, au regard de tout ce qui se passe, mais me tire un sourire ironique. Ma mère, à la fin de cet hiver, a taillé sa misère. Je veux parler bien sûr de cette plante rampante, increvable, au point qu'elle était, en son temps, synonyme de « plante administrative », puisqu'on la trouvait dans tous les bureaux des fonctionnaires, où elle persistait à croître malgré le fait qu'on oubliait régulièrement de l'arroser. Cette misère de son nom scientifique de « Tradescantia zebrina », synonyme « zebrina pendula », avait donc chez ma mère étalé sa longue chevelure verte, pourpre et argentée, depuis le pot placé en hauteur jusqu'au sol qu'elle commençait à coloniser allègrement. À sa demande, j'avais questionné les institutrices de l'école de mes enfants pour savoir si ça les intéresserait d'avoir des boutures de cette plante pour agrémenter les pots que les enfants allaient décorer pour la fête des mères. Comme elles avaient trouvé l'idée intéressante, ma mère a donc taillé sa misère. Elle a mis les petites branches en bouquet dans un bocal dont elle a rempli le fond avec de l'eau. La misère se reproduit très bien ainsi. Elle m'avait remis ce contenant et je devais le transmettre à l'école, après les vacances scolaires de février. Hélas, le confinement est arrivé avant. Du coup, dans le pot transparent, les racines blanches des branchages de misère s'allongent chaque jour davantage. Ah, misère de misère. 20e jour. Vendredi 3 avril 2020. Temps gris au lever. La pensée qui me vient, c'est que le jour sera plus difficile à supporter que les précédents. Heureusement, le soleil arrive et le moral remonte, comme la grenouille sur son échelle. « Le virus ne prend pas de vacances », a dit le Premier ministre. Les Parisiens, entre autres, sont en vacances scolaires selon le calendrier établi par l'Éducation nationale depuis le début de cette année scolaire. Interdiction pour eux de partir en vacances. Beaucoup disposent de résidences secondaires ou ont l'habitude de louer des logements dans des régions côtières. Mais, pour ces vacances de Pâques 2020, impossible de s'y rendre sous peine d'amende. Chaque adulte sera verbalisé dans les véhicules contrôlés. De plus, l'ordre leur sera intimé de devoir rebrousser chemin, avec le risque de verbalisation supplémentaire sur la route du retour. Cela peut rapidement coûter très cher. Pour finalement revenir au point de départ, confinement à suivre à la lettre. La région ouest, des pays de la Loire à la Gironde, est la moins touchée par la contamination. Cette interdiction de la migration vacancière est positive, même si cela oblige les gens à rester dans leur zone contaminée. Il ne pourrait que représenter un risque inutile. D'autant plus que des transferts de patients parisiens ou du Grand Est, en réanimation et sous respirateur, sont effectués vers les hôpitaux du Grand Ouest et de Nouvelle-Aquitaine par TGV sanitaire, des trains spécialement transformés pour accueillir ces malades. Ce n'est pas pour risquer l'engorgement des hôpitaux de cette région par l'arrivée potentielle de personnes infectées. Les Parisiens qui sont venus s'installer dans leur résidence secondaire dans notre petit hameau l'ont échappé belle, mais ils ont intérêt à se terrer chez eux. S'ils sont contrôlés au cours d'une de leurs sorties, leur adresse principale étant à Paris, ils pourraient bien être sommés d'y repartir, amende à la clé. Autre information importante, même si Ulysse, et a fortiori Elsie, ne sont pas concernés. Le baccalauréat est maintenu, mais dans des conditions spécifiques. Pas d'épreuve en fin d'année. Le contrôle continu est privilégié, etc. Tout un dispositif est établi afin que les jeunes ne soient pas lésés d'une région à une autre, d'un lycée à un autre. La reprise des cours jusqu'à nouvel ordre est envisagée pour le 4 mai. Les mentions au bac seront maintenues, mais d'ores et déjà, malgré tout ce qui sera prévu pour que ce diplôme ne soit pas dévalorisé par son année d'obtention, certains craignent que la mention coronavirus ne l'accompagne. Ma mère, elle, bien que trop jeune à cette époque, se souvient que les baccalauréats obtenus en 1968 avaient mauvaise réputation sur les curriculum vitae à cause des événements survenus au mois de mai de cette année-là. Sur Internet, l'imagination est débordante. Nombreux sont les gens qui tiennent un journal, une chronique un peu comme la mienne, mais en images, en filmant leur quotidien, leurs occupations, en les partageant avec leurs amis, y compris leurs amis inconnus des réseaux sociaux. D'autres s'amusent à réaliser en famille des petits films en pastichant des scènes cultes, des séries ou des chansons célébrissimes. C'est drôle, émouvant, formidable. Avec nos amis du hameau, nous partageons parfois des apéros virtuels via nos webcams respectives. Mon amie Inès, qui ne peut voir ses amis que de loin, partage avec eux des jeux vidéo dont ils discutent les résultats ensuite par vidéoconférence. Dans notre malheureuse situation actuelle, le progrès technologique, auquel on reproche un manque d'humanité, devient là un super moyen de communication pour rapprocher, à distance certes, les humains entre eux. Sur un site d'information, pour tenter d'alléger l'actualité, il est posé des questions plus futiles. La dernière en date, quelle est la première chose que vous souhaiterez faire au sortir du confinement ? Certains répondent qu'ils veulent aller se promener à Paris, d'autres tremper leurs pieds dans la mer. Moi je sais, allez m'acheter des pantoufles. On ne reste pas confiné toute la journée avec ses chaussures à talons dans sa maison. On met forcément ses chaussons, mais quand on les porte quasiment tout le temps, ils finissent par s'user prématurément, s'avachir et ne plus ressembler à rien. 21e jour, samedi 4 avril 2020. Il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit à la télé. L'autre jour, j'ai vu l'interview d'un médecin en train de faire une téléconsultation. Il portait un masque pour parler à son patient via son ordinateur, alors qu'ensuite, quand il répondait aux journalistes, il ne portait plus ce masque. Va chercher l'erreur. Partout, des initiatives privées montrent que de plus en plus de visières en plexiglas sont créées avec des imprimantes 3D pour remplacer ou compléter les masques en nombre insuffisant. au même titre que certaines sociétés fabriquant des boissons alcoolisées ou des parfums adaptent leur outil de production pour produire du gel hydroalcoolique. Ces produits sont vendus à petit prix sans bénéfice ou carrément donnés aux soignants. L'ingéniosité combinée à la générosité aboutit à des actions qui donnent espoir en l'avenir. Il reste à espérer, très fort, que ces belles histoires individuelles ou locales seront développées, pérennisées, au niveau national, au moins. Que cela inspire les hautes instances et influe positivement jusque dans les choix économiques et politiques qui vont devoir être pris au sortir de cette crise sanitaire, que la leçon sera comprise et qu'il en soit tenu compte. Honnêtement, je pense que ce n'est pas gagné, mais on peut toujours rêver. Une bonne nouvelle, les virus peuvent être éradiqués, enfin ce qui touche les végétaux, du moins. À l'automne dernier, les maraîchers étaient très inquiets. Un virus, identifié comme le virus TOBRFV, c'est-à-dire Tomatobrown Rugose Fruit Virus, pour ne pas le nommer, touchait la culture des tomates, qui devenaient, avant maturation, noires, jaunâtres, grumeleuses, impropres à la vente, si ce n'est à la consommation. Cela a commencé dans des serres installées en Bretagne, et cela se propageait rapidement. Ces serres ont alors été confinées, et oui, elles aussi, la production brûlée, les installations désinfectées. Heureusement, il ne s'agissait là que de tomates. Les mesures extrêmes pouvaient être utilisées. Cela nous rappelle certainement quelque chose, n'est-ce pas ? Une étude a été menée pour savoir comment et surtout d'où venait cette contamination. On soupçonne l'importation de graines ou surtout de plants en provenance de l'étranger. Et comme il s'agit de végétaux, inutile de chercher un vaccin, un traitement, quand il suffit de détruire ce qui est contaminé et de désinfecter ensuite. Mais on peut trouver là un exemple d'effet positif au confinement. C'est également ce qui s'est passé il y a déjà quelques années avec la grippe aviaire qui frappait les élevages de volailles. Encore une attaque de virus transportée par les oiseaux sauvages, transmissible à l'homme qui plus est, qui a nécessité l'utilisation de masques. Tiens, là aussi, comme quoi on a toujours besoin d'un petit masque chez soi. A été résolue, pandémie repoussée avec des antiviraux. Dans un journal d'information sur le net, 20 minutes plus précisément, la citation du jour, cette épidémie est la conséquence d'une biodiversité que l'on maltraite. L'écologue, je poursuis la citation, Philippe Grandcola, chercheur au CNRS, tisse des liens entre le Covid-19 et la crise de la biodiversité et du climat. L'article est fort intéressant, mais je ne vais pas le détailler dans cette chronique. Je l'ai recopié et mémorisé dans mon ordinateur. Pour le résumer très imparfaitement, et très naïvement, je le crains aussi, ce chercheur, comme ses confrères, considère que le Covid-19 a pu contaminer l'humain à travers la consommation de pangolins, ou même directement par des chauves-souris. Cependant, les contacts entre ces animaux et la population humaine ne devraient pas être fréquents dans une situation normale. Selon lui, c'est lorsque la biodiversité est maltraitée, lorsque la nature est détruite et que les animaux n'ont plus leur milieu de vie naturel, qu'ils se rapprochent des populations humaines et engendrent des zoonoses, des contaminations animales-hommes. C'est valable aussi pour les trafics d'animaux exotiques. Il importerait donc de modifier profondément notre prise en compte de la nature qui ne se venge pas, mais est plutôt en réel danger, au final mortel pour elle comme pour nous, et qui appelle à l'aide désespérément. En revanche, c'est aussi la nature, toujours généreuse, qui peut nous offrir quelques solutions, par exemple pour favoriser l'oxygénation des patients en souffrance respiratoire. Un laboratoire de recherche à Morlaix étudie un ver des sables, l'arénicole, celui qui fait des tortillons de sable à marée descendante sur nos plages. L'hémoglobine de ce ver, compatible avec tous les types de sang humain, pourrait transporter l'oxygène dans les organes des patients atteints du Covid-19, et avec une grande efficacité puisqu'elle en est 40 fois plus capable que l'hémoglobine humaine. Cette découverte est déjà utilisée dans le domaine des greffes, et un protocole est en cours de validation pour son utilisation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'espoir est donc permis. Stéphane, avec qui j'ai partagé cette information, je lui ai donné à lire l'article qui détaille le sujet, m'a dit en riant « Heureusement que les plages ont été interdites à la promenade et à la pêche à pied. Sinon, on aurait bien trouvé quelques imbéciles qui iraient débusquer ce ver dans le sable pour pouvoir le gober tout cru à titre préventif. 22e jour. Dimanche 5 avril 2020. Ma mère m'a souvent dit qu'elle n'aimait pas les dimanches lorsqu'elle était enfant. C'était le jour des corvées, celle d'aller à la messe en gants blancs, de la visite aux grands-parents, des promenades imposées, des déplacements à la maison de campagne avec ses occupations de jardinage obligatoires. En ce moment, je n'aime pas non plus les dimanches. On y ressent plus encore que pendant les autres jours de la semaine l'isolement dû au confinement, interdiction de voir du monde, de faire la fête, de partager des repas conviviaux. Au JT, les éditions spéciales consacrées exclusivement au Covid-19, son actualité, ses conséquences et tout ce qui s'ensuit, se succèdent et aucune autre information ne passe. Comme s'il n'y avait que ce virus qui présente un quelconque intérêt, comme si rien d'autre ne se passait dans le monde. Adaptation des publicités à la situation. Comme j'aime n'est plus seulement prôné pour perdre du poids, mais aussi pour éviter d'en prendre. Suite à des grignotages liés à l'ennui et au manque d'activité physique, sans doute. Et propose 28 jours de repas livrés à domicile. Plus besoin d'aller faire ses courses, de risquer la contamination ou les rayons dévalisés. N'est-ce pas la situation idéale? Enfin pour les adultes. Parce que je me vois mal imposer un tel régime à mes enfants. Même s'ils mangent de tout, ou presque, avec une préférence marquée pour les pâtes, certes, ils sont en pleine croissance et doivent manger normalement. Chocolat de Pâques. Les cloches utiliseront les services de la poste pour déposer les œufs et les gourmandises au chocolat. Prière de passer commande sans attendre, sinon ils arriveront en retard. Bienheureux seront ceux qui ont un jardin pour les disposer derrière les buissons et que la chasse puisse avoir lieu. Pour les autres, ce sera peut-être dans les appartements, sur les balcons, ou simplement la fin d'une croyance qui ne découragera pas la gourmandise. Pour continuer le bilan, les cabinets médicaux sont ouverts, mais désertés. Les consultations virtuelles se développent. Parfois, surtout avec des personnes âgées, des infirmiers se déplacent chez les patients avec une tablette et ils établissent la connexion avec le docteur. Cependant, les médecins généralistes déplorent le manque de suivi pour certains de leurs patients qui mettent leur pathologie au second plan à cause de la pandémie. En revanche, les cabinets dentaires sont tous fermés, sauf urgence. Il y a un numéro spécial pour une régulation vers les praticiens qui continuent leur travail, mais uniquement pour des cas bien spécifiques qui ne tolèrent pas d'attendre. Il ne fait pas bon avoir une rage de dents en ce moment. Anecdote du jour, je crois avoir dit que mon amie Ignace a une chienne qu'elle doit aller promener une fois par jour. Hier, elle est sortie avec son attestation en poche, pas longtemps, pas loin, respectant bien les consignes. Et quand elle revient au pied de son immeuble, elle voit une feuille de papier au sol. Elle la ramasse du bout des ongles pour ne pas risquer de choper le virus. C'était son attestation. Si elle avait été contrôlée, elle aurait pu être prise en défaut. 23e jour, lundi 6 avril 2020. Les informations ont fait état d'un relâchement du confinement, hier dimanche, avec reportages à la clé de rues commerçantes où affluaient les clients en mal d'achat ou plus simplement d'envie de sortir et voir du monde. Dans les avenues, aux contre-allées plantées d'arbres, les joggeurs slalomaient entre les promeneurs solitaires ou accompagnés d'enfants. Port du masque aléatoire, certains avec, d'autres pas. Pas de proximité étroite entre les gens, mais malgré tout, on est loin des rues désertes des premiers jours du confinement. Par endroits, la police tente de canaliser et limiter les sorties, en rappelant les consignes par la voix des drones. Depuis le confinement, il est à remarquer que l'usage de ces petits engins volants est autorisé en ville pour la surveillance des lieux, alors que le survol des rues était interdit jusque-là. Mais les gens sont toujours aussi inconscients. Ils ne mesurent pas le risque de la contamination pour eux et pour leur entourage s'ils sont porteurs sains. Ils ne respectent pas le confinement et tout prétexte est bon pour l'enfreindre. Approvisionnement alimentaire, activité sportive ou simplement profiter du soleil. Je comprends que ceux qui sont sur le front de cette guerre soient en colère. D'autres prennent des risques en allant se promener seuls dans des lieux dont la fréquentation est interdite. Ainsi, celui qui est tombé dans les rochers le long d'un chemin côtier, pour le sortir de ce mauvais pas et l'emmener aux urgences, un nombre considérable de sauveteurs a été mobilisé, eux qui ont pourtant bien autre chose à faire que de s'occuper des imprudents. Il en résulte une danse des chiffres. D'un côté, accalmie, dans les régions du Grand Est et de l'Île-de-France, moins de patients admis en réanimation, le transfert de malades vers d'autres régions contribue à améliorer les comptes. D'autre part, hausse globale du nombre de décès, mais stabilisation de la contamination, alors qu'on n'est pas arrivé au pic de l'épidémie. Cette phrase confuse, bourrée de contradictions, est à l'image des informations qu'on peut glaner d'un média à l'autre, d'un JT à l'autre. En réalité, qui sait la vérité ? Sans doute pas grand monde. Ce n'est même plus de la désinformation. C'est de l'information yo-yo qui yoyote à plein tube. Aujourd'hui, avec Ulysse et Elsie, je me suis occupée de la plantation des pommes de terre germées. Elles ne seront ainsi peut-être pas totalement perdues. Ma mère, qui adore le jardinage, m'avait prévenu que ce lundi est un jour racine dans le calendrier lunaire, c'est-à-dire propice à la mise en terre ou au semis de légumes dont on mange les racines, comme les tubercules de pommes de terre. Vu l'enthousiasme des enfants pour cette activité, je pense que je vais tenter de les initier, sous les lointains mais avisés conseils de ma mère, au semis de légumes et de fleurs. J'ai encore quelques sachets partiellement utilisés de l'année dernière. Cela sera nos occupations des prochaines vacances, puisque l'institutrice d'Ulysse m'a dit que les congés scolaires seront respectés en ce qui concerne leur école. Les élèves n'auront que les devoirs habituellement donnés pour ces périodes-là. Mon amie Violette m'a dit qu'elle avait renoncé à faire ses courses par l'intermédiaire du drive de son magasin. La dernière fois qu'elle l'a tenté, elle a pris le temps de bien choisir ses produits, sans être sûre qu'ils soient disponibles au moment où elle devrait aller les chercher, sans exagérer sur les quantités, pour un approvisionnement normal. Mais lorsqu'elle a validé sa commande, il n'y avait plus de créneau ouvert pour le rendez-vous. Et bien sûr, le panier virtuel n'a pas mémorisé ce qu'elle venait d'y mettre. Elle était furieuse d'avoir ainsi perdu son temps. Certes, en cette période, le temps ne manque pas, mais on n'apprécie pas plus de le perdre pour rien. Du coup, c'est son compagnon qui s'est chargé de la corvée d'aller en magasin. Comme c'est un sportif et qu'il manque d'exercice, il a pris ce prétexte pour tracer, entre les rayons, entasser le maximum de ce qu'il trouvait dans la liste de Violette. Il a un peu forcé la dose parfois en prenant deux boîtes de céréales ou de conserves au lieu d'une. Mais certains rayons étaient dévalisés. Pâtes, farine. Les gens continuent à cumuler les réserves. Ils font de plus en plus de gâteaux ou leur pain eux-mêmes, parce que pour ça aussi, c'est la disette. Les œufs, parlons-en, rayon vide. Alors qu'il passait en caisse avec son chariot bien plein, qu'il ne pouvait laisser en plan à moitié déchargé, il voit un employé du magasin qui pousse une palette chargée de boîtes d'œufs. Alors, il est allé déposer ses achats dans le coffre de la voiture avant de ramener le chariot dans la galerie marchande où il sera désinfecté, puis il a piqué un petit sprint pour retourner dans le magasin. Il a pris une plaque de 24 œufs et est passé aux caisses automatiques, illico presto. 24e jour, mardi 7 avril 2020. Hier, Ulysse a questionné sa grand-mère alors que je l'avais au téléphone. C'était pour répondre au devoir imposé par sa maîtresse pour utiliser l'imparfait. Il devait lui demander comment ça se passait pour elle quand elle allait à l'école. Il a du mal au téléphone, alors je l'ai poussé à formuler ses interrogations et il a reçu des réponses que je vais l'aider à écrire pour son devoir. Ainsi, sa grand-mère allait à l'école à pied, avec sa mère et sa sœur. Elle mettait environ 20 minutes et leur mère repartait chez elle sur son vélo qu'elle avait poussé à l'aller. Pour le repas de midi, l'école fournissait une assiette de soupe de légumes et vermicelle. Le reste du repas devait être amené et sa grand-mère se souvient du petit panier d'osier consacré aux aliments qui étaient confiés à la maîtresse en arrivant en classe. Après la classe, elle jouait dans le jardin, ramassait des fraises et s'amusait avec la tortue de terre. Parfois, elle allait avec son vélo sur la placette devant la maison. Elsie, qui n'a pas de devoir, a tenu quand même à parler à sa grand-mère. Elle lui a raconté qu'elle a maintenant un grand lit, mais pas encore d'oreiller parce qu'elle est encore trop petite, mais qu'elle a une housse de couette avec la reine des neiges dessus, pour veiller sur son sommeil. Je reconnus mon propre discours dans ces phrases dites sur un ton sentencieux, voire un peu précieux. Quelle comédienne ! À propos de comédie, bas les masques, ou plutôt haut les masques. revirement total du discours gouvernemental. Les masques risquent de devenir obligatoires à chaque sortie. Ce qui n'était pas utile, sans doute pour cause de pénurie, impossible d'en fournir à chaque citoyen, devient indispensable et sera peut-être bientôt obligatoire. Mais on n'a toujours pas davantage de masques à offrir ou à vendre. Les quelques-uns qu'on réussit à importer, s'ils ne sont pas détournés, ou à encore fabriquer en France, sont réservés aux soignants, aux personnels hospitaliers, à ceux qui sont au contact direct avec le virus. C'est normal. Du coup, le citoyen lambda, s'il ne veut pas se choper une prune ou le virus, les deux peut-être, doit se débrouiller par lui-même. De là, il fleurit de multiples tutos sur le net pour coudre son propre masque. Même la FNOR se mêle de proposer des patrons, des instructions et des conseils, autant pour les masques industriels que les masques artisanaux. Là encore, la générosité trouve à s'exprimer, puisque des personnes s'associent pour en créer en série afin de les offrir. Il en résulte des masques colorés selon les tissus utilisés, loin des masques blancs ou bleus. Bien sûr, ce ne sont pas des masques chirurgicaux qui sécurisent leurs porteurs, mais ils protègent quand même des postillons et projections lorsqu'on se trouve à proximité de quelqu'un. Ils évitent aussi d'en répandre dans l'air. Ils doivent régulièrement être changés, sont lavables et repassables, donc peuvent resservir. Et il importe aussi de respecter les directives pour les enlever, les nettoyer, afin que l'effort accompli pour les porter ne soit pas anéanti par un geste mal approprié. Dans notre petit cercle de discussion, une amie a exprimé sa colère devant un tel revirement. Il faut dire que depuis longtemps, depuis le début de l'infection en réalité, elle prône le port du masque, au même titre que les autres gestes barrières qu'on nous impose avec le confinement. Comme elle dénonçait avec véhémence le manque de moyens de certaines villes, alors que d'autres, comme Nice, annoncent la distribution prochaine de masques à tous les habitants, reste à savoir combien par personne, quelqu'un lui a répondu « Pour nous les ploucs, on n'a qu'à se mettre une bouse séchée sur la tronche ». Le rire collectif a ramené la concorde dans l'échange. Je pense que je vais me lancer dans cette aventure. Enfin, je vais me sentir utile et ma connaissance de la couture va me servir. Je vais recenser mes disponibilités en tissu, rechercher ceux qui pourront servir et je vais tenter de réaliser mes premiers masques. Je vais aussi choisir entre les différents modèles proposés par les tutos et le patron de la FNOR. Quand je serai parvenu à un résultat satisfaisant, je proposerai à mes amis et voisins d'en créer pour eux, quitte à ce qu'ils m'approvisionnent en tissus récupérés chez eux. Inutile de dire que ce qu'ils me donneront passera d'abord par un lessivage et un séchage dans les règles, afin de ne pas inviter Covid-19 chez moi. À part cela, les cerisiers sont déjà en fleurs. Peut-être qu'avec la baisse de la pollution atmosphérique, du fait de la réduction de l'activité humaine, les abeilles seront encore là, au rendez-vous pour la pollinisation. Ce qui est sûr, c'est que les oiseaux seront là pour les manger, avant même qu'elles soient mûres, comme d'habitude. 25e jour, mercredi 8 avril 2020. Aux infos hier soir, plus de 10 000 morts du coronavirus en France. Plus de 7 000 malades en réanimation et nous ne sommes pas encore au pic de l'épidémie. Les chiffres sont donnés par le gouvernement et j'ose croire qu'ils sont vrais, du moins proches de la réalité, pas du tout comme ceux de la Chine qui sont manifestement sous-évalués. Quant à ceux énoncés pour les États-Unis, pour ne parler que d'eux, c'est littéralement affolant et là aussi, je pense qu'ils sont vrais. Il en résulte, en France, par-delà les directives officielles du gouvernement concernant le confinement, des initiatives locales qui durcissent encore ces injonctions qui ne sont manifestement pas assez strictes. Ainsi, le jogging est interdit à Paris entre 10h et 19h. À Sceaux, ordre est donné de ne sortir qu'en couvrant son nez et sa bouche par un masque, une écharpe ou même un foulard. À Marc-en-Barœul, cracher au sol ou jeter sur la voie publique ses gants et masques usagés est interdit sous peine d'une amende. À Béziers, les bancs publics sont enlevés pour éviter que les gens s'y attardent. Il est à parier que des initiatives de ce genre vont se multiplier. L'imagination n'est pas à court d'idées et tout est bon pour se protéger, protéger les autres aussi. En revanche, voilà un scoop qui finalement n'est pas étonnant. Les armureries sont considérées comme des commerces de première nécessité aux USA et en Floride en particulier, au même titre que les magasins d'alimentation ou les pharmacies. Les Américains se sont rués pour s'équiper. Il ne doit pas faire bon se promener là-bas. Les hackers et les escrocs ne sont pas non plus en panne. Mon amie Inès me raconte que les piratages de comptes personnels, financiers, de messagerie sont légion. Le confinement permet à certains de pouvoir se consacrer sans limite à leurs occupations criminelles. Cela doit être une occupation rentable pour certains. Il importe d'être plus vigilant que jamais sur ce plan-là aussi. Il faut se confiner dans des mots de passe de plus en plus complexes. Mon autre amie Violette, elle, m'a parlé d'un copain à son cours de tango qui a été hospitalisé pour cause d'infection au Covid-19, qui a été intubé, mais qui est sorti du service de réanimation au bout de 2 semaines. Il a pu alors, à distance et toute précaution prise, faire la connaissance de sa petite fille, née pendant ce temps. Un début de vie bien particulier qui restera sans doute dans leur mémoire. La vie normale continue avec ses aléas terre à terre. Ainsi, ma mère m'informe que son four est tombé en rade. Certes, il n'était pas tout neuf, mais il aurait bien pu tenir encore quelques semaines, non ? Du coup, elle est allée sur le site de son hypermarché habituel à commander un four à poser, similaire à celui qu'elle doit remplacer, un modèle basique, mais qui lui rendra service. Ce n'est pas le moment de faire la fine bouche. Il devrait arriver au magasin la semaine prochaine. Elle en profitera pour acheter ce dont elle a besoin pour se réapprovisionner. Un record. Cela fera 1 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. En revanche, elle peut sortir autour de sa maison. L'espace est grand et isolé des autres maisons qui sont bien séparées par des arbres. Et elle a commencé ses semis pour ses plants de légumes. Dans son potager, elle a aussi commencé à préparer la terre pour les recevoir. C'est grâce à ses travaux de jardinage qu'elle peut remplir son congélateur et tenir aussi longtemps confinée. D'habitude, elle peut partager avec nous le résultat de son travail. Chez nous, le jardin est plus petit, et jusqu'à ce jour, nous n'avions pas de potager, seulement un pommier et un prunier. Je me demande s'il ne serait pas utile de se décider vraiment à en créer un chez nous. Quand je pense qu'un peu avant le confinement, lorsqu'on commençait seulement à parler de l'épidémie en Chine, mais que des gens s'occupaient déjà de constituer des réserves en cas de pénurie alimentaire, j'avais dit en plaisantant à ma mère qu'on pourrait aller se réfugier chez elle pour ne pas risquer de mourir de faim.